On va avoir vraiment peu de temps, Alice. Je suis désolé, on va avoir un gros quart d'heure pour parler de tout ce qu'il y a à dire. Toi, tu te rappelles de tes débuts et de ton envie de faire de l'animation? Oui, mes débuts, mon envie de faire de l'animation. Donc, j'ai fait les Beaux-Arts à Marseille et j'ai découvert la vidéo là-bas. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette envie qui me taraudait. Je me rappelle justement à la fin c'était DNAP, faire des nuits blanches en me disant « mais c'est pas possible, j'ai envie d'animer, il faut que je le fasse ». Et puis... j'ai tenté le concours de l'AMK une première fois, que j'ai repassé l'année d'après. Voilà. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Donc, ensuite, je suis arrivée à Angoulême comme ça. D'accord. Donc, à l'époque, tu nous l'as bien dit, c'était 2 ans. Voilà, c'était 2 ans. Et ensuite, donc 2 ans qui sont de l'animation traditionnelle et ensuite une année d'animation en 3D. Juste parce qu'il n'y a pas les dates, printemps c'était quand Printemps c'était en 2005 ou 2006. Donc c'est après C'était, en fait, printemps c'était un film dans le cadre d'une intervention de Serge Elissalde, qui est un réalisateur d'animation et producteur aussi dans Les Trois Ours, si je dis. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. C'est une production de Florentine. Décidément, c'est vraiment un tout. Voilà, c'est pas qu'une mafia poudrière, c'est vraiment la mafia de l'animation. La mafia de l'animation. Et donc, il avait fait une intervention qui s'appelle le rallye d'animation, où on était invité à faire un film avec des méthodes de, on va dire, un peu de bidouille pour pouvoir faire un film en un temps record. Donc, c'est le rallye d'anime, c'est ça? C'est des femmes, on en avait parlé ici. C'est un peu ça ou pas? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est un rallye d'anime. Parce qu'on avait fait une émission de POC, on a fait une émission spéciale MK, en fait. Et, ok. On avait fait une spéciale MK, donc on nous avait raconté ces rallyes d'anime complètement fous où Serge et Lissal donnaient des règles. Voilà, il y avait des contraintes, donc on devait choisir une technique. Par exemple, moi j'ai travaillé à la Crégras sur papier directement. Et on devait utiliser par exemple des procédés comme les boucles, c'est-à-dire répéter une séquence d'images plusieurs fois pour la faire durer, pour que la durée soit étendue, mais avec le minimum d'images possible. Enfin, bon, des tas de techniques qu'on peut utiliser pour étendre le temps avec des procédés un peu minimalistes, quoi. Et donc, Printemps, c'est le premier film, donc, quasiment. Il y en avait avant. Alors, Printemps, en fait, c'était donc à l'MK, on fait un film de fin. Enfin, on a le film de fin d'études sur les 2 ans. On travaille dessus pendant 2 ans, donc Printemps c'était entre-temps. C'est un peu comme l'épisode Canal J, par exemple, qu'on a fait aussi à l'AMK. C'est au milieu de ces 2 années, en fait. Ouais, comme... Voilà. Il y a déjà une thématique qui va être très forte pendant tout le long, qui est plus ou moins l'Afrique. Est-ce que déjà, ça vient d'où cette thématique C'est, en fait, c'est lié à mon histoire personnelle, ouais, donc... par rapport à... ma famille, bon, je pense que c'est quelque chose qui, depuis l'enfance, travaille un peu. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que, par exemple, pour qu'un fil, c'est pas du tout présent. Et après, c'est revenu dans le film que j'ai réalisé après l'MK. Donc, on va en parler après. Donc, voilà. Donc, il y a Printemps quand même. Donc, il y a déjà. On va le revoir parce qu'en fait, il n'y a pas une thématique, mais il y a quelque chose qui est le voyage, ou en tout cas peut-être pas le voyage, mais l'idée des cultures du monde entier, on va dire. On sent plein de choses, on sent cette envie de partager un petit peu. Il y a dans les tout petits cinémas, dans la bande-annonce que tu fais pour Tout Petit Cinéma, le premier, on a un panda, alors il est en style un peu chinois. Oui, alors ça par contre, c'était parce que c'était le thème du festival. D'accord. Tout Petit Cinéma. C'était il y avait c'était la boutique des pandas qui est... tous les personnages qu'on peut retrouver dans la bande-annonce, en fait, sont dans les projections qui ont été là pendant le festival. Donc la contrainte, c'était de les réunir tous dans la bande-annonce. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit panda, il y a l'éléphant et tous les personnages qui sont sur le dos de l'éléphant sont tous dans le festival. Du film. Donc là, c'était un petit peu... je dis pas de bêtises, c'est pas Ali, c'est pas la seule de l'MK qui a fait une bande-annonce de tout petit. Mélanie Frémia a fait la première, voilà. Hein, c'est ça. Elle a fait la première bande-annonce et... Donc ensuite, je sais pas s'il y en a d'autres qui... C'est pas Sabine Itier qu'on a fait une aussi. C'est pour ça que je me demande si Sabine n'a pas fait si celle de... Tout petit ou une autre annonce pour Forum. Cette année ou d'il y a deux ans, quelque chose comme ça. Ah non, on essaie de comprendre les, encore une fois, les mafias. Donc l'MK, vous savez que si vous faites l'MK, vous allez faire la bande-annonce des tout petits. Ok, c'est bon à savoir. Donc on a en tout cas cette... alors, donc tu m'as dit que là, c'était pas complètement... cette idée-là, donc enfin l'Asie en tout cas te vient pas forcément de toi, mais là c'était une volonté plutôt du festival. Qu'un fil, juste on va revenir après sur la thématique de l'Afrique et même de des cultures un petit peu du monde entier. Qu'un film, c'est un film qui est assez étonnant. On a l'impression qu'il y a contrairement justement peut-être aux films de La Poudrière qui sont, on le sent très cadré, on en parlait tout à l'heure, on sent que l'MK il y a plus de liberté, donc de d'être sur un fil. J'ai pas fait exprès, je vous promets, j'ai pas fait exprès en plus. On pourrait croire, mais non. Et on sent que tu utilises plein de choses, plein de... Il y a plein de superpositions, enfin... Oui, en fait, ça s'est fait un peu dans le prolongement de ce que je faisais aux Beaux-Arts, parce que je travaillais la vidéo et je mélangeais... j'ai intégré de l'animation, soit en peinture ou en sable, à de la vidéo. Et donc, à l'MK, c'est vrai que on m'a laissé complètement libre, d'une part au niveau du choix des techniques, et puis ensuite au niveau des personnalités des élèves qui sont là-bas, on est chacun vraiment amené à explorer les problématiques qui sont liées à nos, enfin pas nos personnalités forcément, puisque ça peut être s'étendre à l'universel, enfin bref, je... Mais en tout cas, c'est... Oui, je te laisse... Non, vas-y, ta question, t'allais me dire quelque chose. Non, c'était juste parce que... C'est drôle parce que Marie-Pierre Rouel en parle dans son interview. Alors, je sais pas si dans le montage, on l'a entendu ou pas. Elle en parle. La Poudrière, ça les intéresse beaucoup. Et on pourrait en parler, les obsessions de chacun. Mais on va aller, entre guillemets, on va tenter de les faire dans une tentative de, encore une fois, narration dans le côté, comme des Camille Alvis, le plus large possible. Là, on sent qu'il y a des fois à l'MK, quand on regarde tous les films de l'MK, un film de La Poudrière, il se reconnaît. Peut-être pas Zienne d'ailleurs. Peut-être que c'est l'un des seuls. Non, mais peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent pas. Mais dès qu'on voit des choses en volume ou certaines choses, on peut se dire ah, là, il y a quelque chose. On se demande, on regarde, on gratte un peu et ça marche pas tout le temps. Mais des fois, on peut se dire il y a quelque chose. Puis dans le fait que ça soit souvent des films courts, on l'a dit, sauf dans de rares occasions, mais c'est des films courts. Là, l'MK, ça peut être de 2 minutes à... Oui, j'ai l'impression 8-9 minutes, enfin ça. Il faut un peu des promotions expérimentales, c'est-à-dire que par exemple pour notre année, on était une classe de 16 et on avait vraiment chacun des personnalités assez différentes et on a fait tous des films assez différents. Donc et chaque année, j'ai l'impression qu'ils changent aussi leur politique de choix, donc va être par rapport justement à la personnalité des élèves, aussi leurs expériences par rapport à l'animation. Bon, il y a un peu d'épreuves de, il y a des épreuves de dessin également, mais c'est vrai que chaque année ils changent un peu leur approche de choisir les étudiants aussi. À ce niveau-là, il y a une volonté d'évolution aussi. Toi, tu te rappelles qu'il y a un fil? Tu te rappelles aussi la... tu te rappelles des festivals, tu l'as suivi, tu l'as... Parce qu'il a un peu... j'aime pas le mot atypique, c'est vraiment des mots ridicules. Journalistes qui savent pas dire du coup, trouver le bon mot. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il était... Oui, il a été dans des festivals. Donc mon premier, j'allais dire ma première bonne surprise, c'était au Festival Ciné Junior. Et ce qui est amusant, c'est que là, sur le site du festival, ils avaient interprété ça comme si c'était donc la chanson qui dit « Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre », je ne sais plus. Oui, qui est la chanson de Gréco. Juliette Gréco. En fait, et bon, c'était pas mon intention, je l'avais pas nommé du tout comme ça, mais j'ai trouvé intéressant l'interprétation qu'ils en avaient faite. Et puis sinon, il a été également, il a été diffusé aussi à Auch. Et c'était une bonne expérience pour moi parce que j'ai pu rencontrer des gens comme Florence Miaille qui m'ont dit qu'il l'avait apprécié, ou Arnaud Demuin qui du coup, c'est vrai que tout de suite aussi on commence à s'inscrire dans un cadre, rencontrer d'autres réalisateurs, c'est très stimulant, émouvant. Et puis Après, il a été pris dans d'autres festivals. On peut voir sur le site web si jamais on dira, voilà, on va en parler. Toi, t'es comme Camille Elvis, tu t'intéresses à la musique. On a pas eu le temps d'en parler pour Camille Elvis. Toi, t'as fait la musique de qu'un film, en fait. Tu fais, c'était comme oui, ça. Oui, c'est ouais. C'est bon. Je comment dire, c'est un petit peu expérimental, mais c'est vrai que. Je chante, mais sans être une vraie chanteuse, on va dire. Donc après, c'est la liberté aussi que j'avais de pouvoir le faire et de pouvoir travailler avec. Donc sur Angoulême, c'est vrai que c'est une petite ville où on a souvent aussi des gens qui peuvent nous aider pour le mixage. J'avais un ami, Guillaume Fournier-Bidos, on a enregistré ça chez lui. Donc c'était assez intime. On avait la guitare, on n'avait pas de pression, donc ça se fait d'une façon qui peut être... Il y a des choses qui sortent spontanément, qui peuvent peut-être pas se faire dans d'autres cadres où on serait plus intimidé, où ça serait un peu plus formel, quoi. Ouais. Voilà. Donc ensuite, il y a l'MC, et il y a, alors là, on part dans un style complètement différent, qui est un film donc, qui s'appelle... Je sais pas Kuri. Si on... Kuri, hein, voilà, c'est ça, c'est comme, ça, comme ouais. En japonais, on comprend ce coup. Oui, ça voilà. Veut dire noisette ou non, Kuli? C'est je sais c'est plus. Vrai. Je me rappelle plus mes cours de japonais. Là, on est dans quelque chose de complètement différent, donc co-réalisé. Voilà, ouais, c'est une co-réalisation. Comme tous les films, je pense à l'époque, parce que je sais que le film de Jeanne Allury, ça j'ai trop de mémoire. Oui, Jeanne Allury le était co-réalisé aussi avec voilà. Il y avait deux autres personnes, effectivement. Ah, on est ouais, soit c'est... deux ou trois personnes, voire parfois quatre, mais toujours en équipe pour réaliser les films en 3D à l'MC. On est dans un style complètement différent. On est plus vers le côté même. C'est bizarre parce qu'on a un nom japonais, puis on est presque un truc un peu amérindien dans la vision des choses. Alors, comment se justifier? Ah, c'était pas justifié, c'est juste voir comment le film s'est fait, en fait. Comment d'un seul coup tu pars de... Parce que c'est ce qu'on va voir en 5 minutes qui nous reste, c'est entre qu'un fil Kuri, et puis j'aimerais vraiment beaucoup parler évidemment de Pirogue juste après, mais donc voilà, entre tous ces films, on sent tellement de... Bon, mais comme avant, on a tellement de choses différentes. Alors, en fait, donc pour Kuri, ce qui était intéressant, c'est qu'avec Mélanie, on s'est retrouvés. Moi, j'avais écrit une histoire sur une petite tortue, elle m'a dit après qu'elle voulait faire une histoire aussi avec une tortue. Enfin, il y a des choses sans le vouloir qui se sont recoupées. Et on avait la volonté aussi d'expérimenter le côté de mes, enfin, ce côté 2D, 3D et le côté de la matière aussi qui nous était cher, de l'aquarelle. Et en fait, on recherchait à faire quelque chose avec les taches d'encre. Puis à un moment, en les faisant, c'était tellement beau la façon dont elles se déployaient qu'on s'est dit, mais il ne faut pas qu'on les refasse, il faut qu'on les filme directement, qu'on les intègre. Et donc après, c'est elle qui a créé le personnage. Il y a un personnage un petit peu qui ressemble à qui a inspiré plutôt des statues africaines. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de monde de mix. Même la musique, c'est on l'a inventé, ça veut rien dire, c'est sorti de notre imagination. Donc on revendique pas forcément quelque chose de culturel typique, mais c'est plus comme on est nourris, je pense, tous d'influences qui nous viennent d'un peu de partout. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, parce que il y a toujours un retour à ça, donc il faut pas faire n'importe non, mais quoi. Mais... C'est intéressant, c'est inconscient, ça me faisait penser un peu à la musique, du film de Caroline Leaf, l'hibou qui... Le mariage du hibou. Ouais, ouais. Voilà, avec toutes ces... Ah, voilà, et Caroline Leaf qui travaille beaucoup sur les... ce qu'on appelle donc les Amérindiens maintenant, enfin voilà, et voilà, ça me faisait penser un peu à ça dans la musique, et voilà. Sachant que c'est très drôle, parce que je crois qu'Inukshuk, donc il se passe aussi sur... Il se passe sur la banquise. Sur la banquise, si, si. qui se passe sur... Oui, non, mais comment elle essaye de... À chaque fois. Ok, donc je ne repartirai pas là-dessus. Non, parce qu'en plus, t'as raison, je regarde et je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, donc faut qu'on se dépêche. Je voulais absolument te parler de Pirogue, bien évidemment, qui est un film important. Tu sors donc de l'MC, ça y est, t'es sorti. Ouais. Tu nous en as parlé un tout petit peu au début. Tu fonces voir les... En fait, ça s'est fait différemment. C'est-à-dire que quand j'étais à l'MK, j'ai fait un stage en Irlande, à Dublin. Et le producteur, on avait fait un exercice au Fusain. Il avait vu des images que j'avais faites. Il m'avait dit, ah, ça serait intéressant de les développer... et de faire un film à partir de ça. Donc c'est parti de là, et à partir de ces images, donc j'ai développé Pirogue, Et comme il a tenu sa parole, je suis retournée à Dublin après l'MK, donc en 2007, non 2008, ouais, c'est bon, bref. Et donc j'ai réalisé Pirogue là-bas. Et je suis revenue à Angoulême pour faire le son. Donc ça s'est fait de octobre à mai, voilà. Donc Pirogue, c'est l'histoire de deux couples. Est-ce que tu veux raconter ? Oui, voilà, c'est deux couples qui donc deux couples qui sont, pardon, excusez-moi. Ouais, donc il y a un couple qui est séparé, donc la femme vit en Afrique et l'homme est venu en France pour travailler. Et donc à Paris, il y a également un couple avec un jeune Africain et une Française. Et en fait, les deux vont finalement se retrouver séparés parce que les deux hommes vont être renvoyés au Burkina Faso. Et donc finalement, après, ça va être le premier couple va être réuni, mais il y a toujours le paradoxe du fait qu'ils sont réunis, mais en même temps, il y a le déchirement de ne pas pouvoir réussir à concilier. Il y a quelque chose de cassé au moment du départ, enfin au moment des départs. En fait, c'était sur le paradoxe aussi de l'exil et des gens qui sont loin de leur pays, qui veulent être chez eux, mais qui en même temps ne peuvent pas retourner en étant quelqu'un qui a échoué en étant parti. Et donc un peu cette histoire. C'est un peu comme une histoire d'amour impossible, comme une métaphore de ce déchirement de l'immigration ou de l'exil. De la quête aussi de où on est, qui on est, enfin de savoir. Voilà. Est-ce que c'est un film que t'as proposé à des associations? C'est un film qui parle donc d'expulsion aussi. Aujourd'hui, on sait bien que c'est important toujours aujourd'hui. Il y en a plein en ce moment encore. Est-ce que c'est quelque chose que t'as été? Je sais que souvent les associations sont malheureusement frileuses quand c'est de l'animation, d'avoir des films politiques ou en tout cas engagés ou qui parlent de social. En prise de vue, ils n'ont aucun problème. Mais dès que c'est de l'animation, des fois, ils ont un petit peu plus de peur, peut-être un peu moins maintenant aujourd'hui. Est-ce que toi, t'as été vers ou t'as été approché par des associations? Il y avait la CIMAD. Alors c'était par lien interposé. En fait, finalement, il n'y a pas eu de retour. Après, c'était en fait ça s'est fait non plus par les festivals. Et c'était intéressant, par exemple, justement, en Russie, après les projections, on avait des interviews. Donc, t'étais présenté à Croc, c'est ça? Oui, voilà. C'était pour celui-là, pour un festival sur un bateau. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler aussi dans ce cadre-là. Après, c'est vrai que, mais bon, il n'est pas trop tard encore pour continuer à le proposer. Effectivement, c'est. Oui, parce que tout à l'heure, Camille Elvis disait, ça y est, maintenant, il y a 3 ans. En fait, on sait bien aujourd'hui que même les films d'animation, les courts-métrages d'animation, sont les films qui ont presque le plus long, une diffusion la plus longue, parce qu'ils ne sont pas tout le temps vus, ils ne sont pas forcément beaucoup vus, ou en tout cas en festival. Et donc après, il y a la télé, certes, mais après, il y a plein de festivals aussi qui ont d'un seul coup des thèmes sur les thématiques. Et en effet, quand on peut avoir une thématique assez forte comme ça, ça peut. Oui, j'ai oublié la MPP aussi à Angoulême, l'Association des femmes solidaires. Et voilà, pour l'instant. Donc il y a ce film-là qui se balade pas mal. Toi, tu balades aussi avec ce film-là, donc. Oui, c'est un peu baladé. Là, c'est vrai que comme ça fait maintenant 2 ans qu'il est terminé, ben, il arrive un peu en fin de son voyage. Et donc, il est temps d'en faire un autre. Là aussi, il est temps d'en faire un autre. Faut toujours. C'est un peu le maître mot, c'est de se dire bon, il faut vite que j'en fasse un autre après. Toi, tu travailles beaucoup, si on regarde sur le site, tu travailles beaucoup sur le. Maintenant, plutôt en graphisme. Et on peut dire. L'Afrique est encore là. Parce que là, il y a un livre d'illustration. Voilà, jeunesse. Donc en illustration jeunesse. Donc, j'ai un album là, à apparaître chez Gallimard au printemps prochain. Et également, on travaille avec une amie depuis 2 ans sur un défi jeune en prise de vue réelle, un court-métrage, qu'on va tourner au Burkina Faso. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis encore dans ces thématiques-là aussi. Et j'ai aussi d'autres projets qui sont moins en lien avec ça, mais plus dans des... qui se rapprocheraient justement plus de l'univers de Karin Phil. Voilà, mais sinon c'est vrai que j'ai fait un détour par l'illustration jeunesse et j'aimerais bien pouvoir concilier les deux. On va voir comment ça va se passer. On a vu qu'en sort de la poudrière, on peut quand même aller... c'est fini ou... Bah... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'on a 5 minutes de rap? Ariel, dis-nous si les coups d'après t'arrivent ou pas. Je ne sais pas, j'ai pas entendu la fenêtre, le tout clignoter, donc on peut déborder un peu. Est-ce qu'on peut déborder? Ça dérange pas, t'as 5 minutes et, parce que non, je vois Florentine, elle est déjà quasiment habillée, elle s'en va, donc c'est vraiment intéressant. Non, mais c'est pour te montrer que... D'accord, donc ça dérange pas, on continue 5 petites minutes. Génial, merci. Ça vous dérange pas de rester, voilà, 5 petites minutes. Ouais, le calvaire, Alice. Non, ça va être un plaisir. Oui, est-ce que pour vous, parce que j'ai aussi débordé, Camille Alves et Mathieu, vous pouvez en parler, est-ce que quand on fait un court-métrage, notamment un court-métrage, comme Inukshuk, ou Pirogue, avec, ou des thèmes, ou en tout cas visuellement des choses assez, assez fortes, est-ce qu'il y a des producteurs qui viennent vous voir, ou quand vous allez voir des producteurs, on vous demande, comme on l'a présumé, comme partout, de refaire la même chose? Autant, là, ça serait bien, mais est-ce que tu pourrais absolument faire quelque chose sur l'Afrique, par exemple, toi, Alice? Est-ce que si jamais tu aurais quelque chose qui ne correspond pas à l'Afrique, enfin, qui ne correspond pas au thème, est-ce que tu as eu ça pour l'instant ou pas du tout? C'était plus au niveau du. Peut-être pour le graphisme de Pirogue. Et c'est vrai que, après, je pense que c'est comme tous les gens, comme tu disais, pour le compositing, où une fois qu'on commence à faire quelque chose, on commence un peu à avoir une étiquette. Et en même temps, c'est normal puisque les gens s'appuient sur ce qu'ils voient. Donc après, j'ai pas eu encore par rapport à la thématique cette demande, mais c'était plus par rapport à la technique du fusain et ce style-là, quoi. C'est drôle parce que quand on regarde, en fait, c'est j'allais dire pour info, moi j'ai vu Pirogue, c'est vrai que ça ressemblait pas à ce que tu avais fait avant, et quand on regarde ce que tu fais en illustration, même jeunesse aussi, ça ressemble pas. Enfin, on a plein de choses, ce qui est plutôt bien. Hein. Ouais. Vous voyez des pas, fois, on est à la radio, vous voyez pas, donc des fois, il y a les invités qui font des... Oui, je sais, c'est pas bien. Si, c'est plutôt une richesse, non? Oui, c'est à la fois les forces et les faiblesses, quoi. C'est comme, c'est la richesse, et en même temps, des fois, ça donne un peu le tournis, mais bon, c'est l'exploration, quoi. Ouais, j'ai pas fini ma question tout à l'heure. Vous êtes habitué, des fois, je finis pas mes questions. Est-ce qu'on peut travailler en sortant de l'MK facilement, en studio, en tout cas un peu plus facilement, comme on disait tout à l'heure, en sortant de la poudrière, on peut travailler un peu, je suis bien content, sur d'autres postes? Est-ce que c'est... Oui, en général, donc je dis en général parce que je suis pas forcément représentative tous ceux qui sont sortis de l'MK. Mais je vois que oui, effectivement, il y a beaucoup donc il y en a qui, comme l'MK est à Angoulême, il y a beaucoup d'étudiants qui ont intégré des studios à Angoulême, et puis comme ils ont les studios connaissent l'école, donc c'est facile pour eux d'avoir une reconnaissance de ce côté-là. Et puis il y en a aussi également beaucoup qui viennent à Paris, et quelques-uns qui partent à l'étranger aussi. Donc, en général, oui, les étudiants trouvent du boulot. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un bon creux. Ça s'est ressenti aussi dans l'animation. En 3D, apparemment, c'est un peu plus florissant qu'en 2D, quoi. Mais bon, disons que ça tourne quand même, quoi. C'est drôle, cette envie de partir après qu'on ait fait une école. Marie-Pierre, là où elle disait j'avais besoin de partir, tu nous disais aussi, après, il y a vraiment cette idée de partir après avoir fait un film d'animation, c'est tellement dur et c'est tellement insupportable. On se dit, bon, allez, maintenant je pars. Hier, Florentine nous disait absolument, dès que j'ai fini mon film, je voulais juste expérimenter, je voulais rien faire d'autre, je voulais même plus entendre parler de film, je voulais faire des petites choses à droite, à gauche. On a envie de, absolument, à chaque Camille Elvis. Je pense que faire un film d'animation, ça demande beaucoup d'investissement, et effectivement, on est centré sur. Une feuille de papier ou un plateau volume ou quelque chose comme ça, et on donne beaucoup, et c'est agréable après de recevoir du reste du monde, des partir, je pense que c'est ça, ou expérimenter ou quoi, c'est une manière de se renourrir aussi pour repartir dans d'autres projets. Donc on a vraiment besoin, c'est ça, c'est le montrer en festival, le montrer, c'est d'avoir un peu un retour, un seul coup de quelqu'un qui nous dit... Oui, au-delà même de montrer le film en festival, juste de partir pour soi, c'est bien, mais, après les festivals, c'est bien pour le film, parce qu'un film c'est fait pour être vu, et c'est vachement agréable d'avoir le retour des gens qui le voient, ça le fait vivre, quoi, parce qu'avant ça, il vit pas. Et, ouais. Et toi, on te demande de faire plein de films maintenant qui se passent Non, on me demande pas de faire des films du tout, et encore moins des films sur la banquise. Non. Heureusement, mais... On t'a pas demandé de faire des... Parce que, avec ton style, moi, j'imaginais bien qu'on puisse venir te voir en disant « Tiens, là, il faudrait me faire une pub sur le réchauffement climatique, etc. » Ils ont dû comprendre que pour les pubs, il fallait pas me demander. je sais pas, non. Non, on m'a demandé des fois si j'avais des projets, mais il y a pas un seul producteur qui est venu me dire « Il faut me faire un film comme ça. » Ça n'existe pas. Ouais. Aucun de vous n'est lié à un producteur où d'un seul coup il vous lâche plus et vous continuez avec celui-là. Non. À part Florentine. Non, vive la liberté, quoi. D'accord. Non, mais après il y a des affinités. On peut trouver des gens avec qui on s'entend bien pendant un temps qui peut être un temps long ou court ou quoi. Mais ouais. C'est... Non, parce qu'après moi c'est terrible, comme je me dis tiens il est 7h10, on va arrêter Florentine est déjà partie. Et il faut qu'on s'oblige à faire les deux heures. On est toujours en train de déborder. Non mais c'est bien, normalement Tribunal Latina qui en effet à juste titre arrive et obligé de... Enfin voilà, et c'est normal, on a besoin, mais là je me dis, parce que là il va y avoir une rediffusion. Voilà, elle va lancer une rediffusion. Il est parti pour 4 heures, là. Non, bien sûr que non. On a tous des choses à faire. Bergman. On a tous des... Voilà, c'est ça. Mais pourquoi pas parler... Est-ce que... Alors voilà, parce que la poudrière... Non, j'ai rien dit. Non, ça juste... partir pour une heure. Une dernière question, parce qu'il n'y a pas ça. Et la poudrière, c'est tout le monde dit, mais... De toute façon, on n'a pas le temps de faire grand-chose dans les soirées, parce qu'en fait, on va au théâtre, ce qui est bien, hein, enfin... au niveau personnel, parce que il y a du théâtre tout le temps, du cinéma, et en fait on vous accompagne énormément dans une découverte culturelle de tous les deux ans pleins. C'est intense, hein, c'est intense, mais c'est très riche, du coup c'est vraiment très agréable, et puis on fait quand même des soirées. Ouais, vous amusez un peu, parce que l'MK il s'amuse beaucoup, par exemple. Est-ce qu'à la poudrière on s'amuse entre les gens de la poudrière, quoi. Ouais, j'exagère peut-être un petit peu, mais... Enfin, le fait que maintenant la poudrière soit intégrée dans des locaux qui regroupent aussi d'autres structures, je pense que ça fait peut-être plus de pont, même avec les gens de Choulimage, parce qu'ils avaient beau être dans le préfab d'en face, on n'était pas si proches, quoi, d'eux, quoi. Quelques-uns, à mon époque. Mais là, je pense que même, comme il y a eu plus de personnes qui sont allées travailler au studio en ayant fait l'école, il y a plus de ponts. Alors que nous, c'était pas trop bien vu dans l'idée de que l'école, ça soit La poudrière se défend d'être le studio de Folimage, quoi. C'est une école à part entière qui a une indépendance. Ils avaient besoin de ça pour exister au début. C'est quand même important d'avoir aussi bien à Valence, alors il y a Folimage ou Angoulême, d'avoir des studios, d'avoir plein de professionnels, et de se dire je suis pas en train de faire un boulot qui je vais galérer, mais il y a quand même des possibilités. Ah bah oui, c'est bien. Même si c'est vrai que il y a plein d'étudiants qui sortent tous les ans de plein d'écoles, et je me dis c'est génial, il y a plein de boulot en animation, en fait, c'est tant mieux. Est-ce que ça, c'est pas un problème qui va arriver? C'est-à-dire qu'il y a plus en plus d'étudiants, il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression. A priori, tout le monde vit et ça marche, donc tant mieux. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'ateliers à faire pour les enfants, par exemple? Parce que Pugas Orcelé, Florentine, t'en fait... À un moment, on arrête. Moi, j'ai laissé ma place aussi. J'en fais beaucoup moins, des ateliers, par exemple. C'est plutôt au début, je pense, que tu fais des ateliers. Ça dépend, il y a des gens qui continuent. Ça dépend des envies, mais j'en connais qui continuent. J'aimerais bien continuer de faire des ateliers régulièrement, quoi. Surtout là avec l'équipe de caméras, etc., donc basée à Liège, là. Et on était, j'ai eu la chance de partir avec eux au Burkina Faso faire des films avec des enfants à Ouaga, et c'était vraiment super, quoi. Eux, ils font 25 films par an, c'est une grosse structure pour ça. Et c'est bien, quoi. Oui. Peu exceptionnel. Tout dépend des structures, je pense. Comme structure d'atelier, parce qu'ils ont des gens qui sont payés à l'année, etc. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des ateliers avec la pellicule Sans Sorceler ou Centre Image ou même d'autres. Et à chaque fois, c'est très enrichissant. Ouais. Mais... Ouais, ça fait réfléchir sur son, sa propre vision de la création, en fait. Ouais. Alice, ouais. Oui, c'est ça, ça nourrit la création et puis de... Ça a rafraîchi, en fait. Ouais. Le fait, bon, après, je sais pas, j'ai jamais fait encore avec des adultes, mais c'est vrai qu'avec des enfants, il y a un côté, bon, allez, puis faut accompagner aussi dans l'idée pour nourrir l'imagination, et en même temps, on est nourri par leur imagination, donc c'est une bonne émulsion, quoi. Ouais, c'est plus dur avec des adultes, je pense. Ouais. Ah, Florentine aime bien, par exemple. Je trouve que c'est encore, on peut encore plus pousser les choses avec les adultes. J'aime beaucoup avec les enfants, mais c'est vrai qu'avec les enfants, il y a des problématiques. Enfin, même les gens qui nous demandent de faire des ateliers, c'est bon, on doit faire un film, on doit plutôt laisser l'enfant faire, et un peu le challenge où on doit faire une narration qui se tient avec les enfants, etc. On peut moins pas aller dans l'anime ou dans l'expérimental ou moins pousser les choses. Ouais. C'est vrai qu'avec les adultes, je trouve que c'est encore plus épanouissant, quoi. Il faut dire que pour ceux qui connaissent pas le travail de Florentine, elle fait pas mal de films érotiques. Forcément, c'est une thématique qui est parfois un peu difficile à faire avec les enfants. Oui. Voilà, c'est un petit peu les parents un peu plus de mal. Je vais pas faire ça non plus aux adultes, hein. J'ai pas encore fait d'atelier avec cette thématique avec les adultes. Bon, enfin, il est pour des trucs bizarres, quand même. Dernière, j'arrête après, mais est-ce que c'est important juste parce que c'est vrai qu'on parlait du FICAM tout à l'heure, et pour moi c'est un festival dont je parle énormément ici. Il me semble que le partage, parce que l'animation est quelque chose d'à la fois de compliqué, et à la fois on peut s'amuser avec des petites choses. Le fait de partir en Afrique par exemple et d'amener l'animation et de faire travailler même les Africains par rapport à leur propre culture. Florentine, qui a fait une bande-annonce au FICAM, disait bien qu'ils voulaient faire... ils sont influencés aussi par vouloir faire du Pixar ou des choses comme ça. Ils voulaient faire des choses qu'ils avaient vues ailleurs, enfin plutôt de la 2D, plutôt des choses très traditionnelles, très classiques, et ils pensaient pas du tout prendre ce qu'il y avait dans leur pays, enfin toute leur culture, et ils avaient plutôt un rejet de leur culture, en fait. Mathieu, toi, comment c'est Burkina Faso, comment c'était passé? Alors en fait, c'était assez spécial parce que c'était trois films en fait qui étaient quand même produits par les Canadiens, par Radio Canada International. Et donc sur le thème de l'étranger en fait, parce que voilà, donc c'était pour parler voilà du rapport à l'étranger. Donc aussi il y avait dans les trois films, il y en avait un qui était plus axé sur vraiment au Burkina Faso, voilà, des étrangers d'un village à un autre, enfin d'un groupe à un autre, on va dire. Et après bon bah voilà, un enfant qui va habiter au Canada et une petite qui revient au pays, quoi. D'accord. Donc voilà, il y avait un gros travail d'écriture avant pour que ça parle quand même d'envie d'enfant, quoi, même si les thèmes étaient imposés par choisis par Radio Canada International. Et la relation avec les objets est quelque chose d'important. C'était du volume, c'était du dessin, c'était quoi au niveau de la technique? Alors là, en fait, il y avait une technique un peu aussi choisie pour des contraintes de fabrication. C'est-à-dire, c'est une technique qui avait déjà été pas mal éprouvée par Louise-Marie Collomb, donc qui travaille à caméra, etc., et par d'autres de l'équipe, de faire en fait des ombres chinoises en papier découpé. Et en fait d'intégrer après les décors en post-production, donc des décors qui sont faits à la craie grasse, très très colorés, quoi. Donc ça permet en fait notamment de pouvoir tourner juste des silhouettes noires avec un éclairage de contre-jour, et de voilà, ben quand il y a des fluctuations électriques par exemple, là ça se voit pas, enfin comme on pousse les contrastes à fond, et du coup après les gamins aussi, c'est plus sympa de leur donner des super grandes feuilles et puis de pouvoir un peu après aussi un peu entre guillemets tricher sur les décors, enfin, mais pas obligé d'être aussi précis et du coup ça c'est, enfin moi j'avais bien aimé cette technique, ouais, c'est assez souple. Toi Ali, c'est quelque chose que, bon, on a beaucoup parlé de Burkina Faso et Afrique, c'est quelque chose que tu aimerais bien faire, t'en as déjà fait, t'as déjà fait des ateliers là-bas? Des ateliers là-bas, non, j'en ai jamais fait, mais c'est vrai que j'aimerais bien, déjà d'une part, oui, refaire des ateliers ici à Paris, et puis, oui, des ateliers en général, c'est vrai qu'il y a... Oui, ça me plairait de répondre. Bon, parce que c'est vrai que ça resterait, puis c'est une bonne idée, on doit faire une... Une émission spéciale. En fait, une émission, je vais vous le dire, je voulais faire une émission depuis longtemps sur les ateliers, et j'avais vu un débat sur les ateliers au centre Wallonie-Bruxelles, les ateliers, et j'avais juste trouvé qu'ils se bouffaient un peu trop le nez les uns les autres, et j'avais l'impression Je dis pas qu'on est dans un monde de bisounours, loin de là, je le sais bien, mais j'avais juste l'impression que là c'était un petit peu terrible de voir ce truc en disant oui, mais attendez, moi je fais ça et c'est quand même un peu mieux que vous. Ou alors moi je fais ça et c'est un peu mieux. Moi je fais les ateliers en deux jours. C'était un peu ça. C'était moi je fais, je laisse les enfants faire comme ils veulent, c'est le mieux. Oui, mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'il faut quand même leur dire ce qu'ils doivent faire, etc. Et c'était un peu étrange comme, comme chose. Donc finalement, on l'avait pas fait, donc bon. Il faut voir l'année prochaine, il faut, faut choisir les intervenants. Ah bon, choisis déjà les intervenants. De... Non, non, moi c'était juste de lancer ça. Ouais. Non, voilà, en tout cas c'était intéressant. Est-ce qu'on a tout dit? On a une minute. Est-ce que je peux encore grappiller 5 minutes? Non, non, non, c'est juste. Ariel me fait signe, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, vous regrettez, vous dites. C'est toujours à la fois trop court, trop long. C'est pas moi qui pose une question, c'est qu'est-ce que vous diriez pour. Voilà. Est-ce qu'on a dit quelque chose sur la poudrière qu'on a oui, pas je dit on a... poser une question dire quelque chose par rapport à la poudrière. Est-ce que justement si quelqu'un qui a jamais fait d'études d'animation ou qui a est-ce que par exemple à 40 ans on peut tenter le concours ou est-ce qu'on peut faire une résidence comment ça se passe? Je pense que a priori oui. Ouais. D'ailleurs dans la promo de Cam Gadvis, il y avait quelqu'un qui avait donc Rémi qui avait déjà beaucoup travaillé dans l'animation. Ouais. Et dans ma promo aussi, il y avait en formation professionnelle du coup. Oui, voilà, c'était ils intègrent le cursus en formation professionnelle. Et ça, c'était vachement bien pour tout le monde parce que l'échange était du coup super important. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai aussi l'impression que ça n'a pas forcément été régulier ça, en fait. C'est pas beaucoup renouvelé, ouais, peut-être. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on se dit forcément. Oui, parce que c'est pas forcément hésiter, évident, ouais. Mais je me dis pour des gens qui... Moi, j'aimerais bien refaire. C'est une démarche. Je pense que c'est une démarche qui est pas évidente à faire quand on est dans le milieu professionnel depuis longtemps, mais je pense que ça fait un bain de jouvence très appréciable. Ouais, ouais. Mais je crois même qu'il y avait quelqu'un qui avait un homme d'une quarantaine d'années qui était pas maçon, en tout cas qui n'avait rien à voir avec l'animation, mais qui avait été pris il y a 2-3 ans. Et une femme aussi, pareil, c'est très rare, mais il y en a de temps à autre, des personnes comme ça un peu plus âgées qui d'un seul coup décident de... De toute façon, les profils des gens qui intègrent la poudrière sont très différents. Il y en a qu'on fait des études artistiques, d'autres pas. Certains font des études littéraires, certains font... Voilà, et puis certains font pas d'études. Ils font des trucs dans leur cave. Ouais, c'est... Donc, il n'y a pas de règle du tout, mais... C'est ça qui est bien d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment l'envie qui prime, ouais. Bon, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment le genre de phrase, c'est génial. Ouais, c'est génial. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais donc un dernier message à Laurent Pouvaré et à Nick Teninge. Donc voilà, le focus sur la poudrière a été fait. J'aurais adoré qu'il soit là plus tôt. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, c'est que les films, comme on l'a dit à un moment donné, soient en ligne, qu'on puisse tous les voir. Que tout le monde puisse en profiter, puisqu'il y a du talent à la poudrière, on le sait bien. Il n'y a pas que la queue de la souris, même si c'est bien la queue de la souris qu'on peut voir avant Une vie de chat dans toutes les salles, et je suppose qu'on verra sur le DVD. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir des films, les films de nos deux invités, les films d'il y a 8 ans, 9 ans, qui sont maintenant un peu oubliés ou qui ne sont vus nulle part, qui ne sont plus vus nulle part, parce qu'au bout d'un moment... Mais c'est vrai que c'est un gros débat, parce que ça reste des films d'études et en même temps c'est agréable de les voir, donc on est dans une problématique qui est pas évidente et on a déjà essayé d'en discuter plusieurs fois, ouais, c'est... Ok. Voilà. mais on n'a pas de grief vu qu'on est là et qu'on parle de l'école. Et... Oui, oui, non, mais en plus, j'ai même le dire. Moi, une fois, j'ai fait une intervention à la poudrière. C'est l'école que j'aime énormément. J'ai des élèves qui partent. Vous avez eu ici autour de ce micro deux élèves. Louise Caillé et Marine Blin, donc l'une vient de l'ENSA, l'autre vient de l'EMCA, et elles sont toutes les deux de la prochaine promo de la poudrière. J'ai d'autres élèves qui ont été aussi, donc c'est plutôt, moi j'adore la poudrière, et c'est pour ça que je trouve ça dommage que justement des gens puissent pas voir plus souvent. Alors, la petite lumière, donc voilà, peut-être l'émission d'après arrive. Merci, non. C'est quelqu'un qui téléphone. Téléphone en disant c'est voilà, vous allez trop loin. On aimerait avoir une rediffusion. C'est Annie qui appelle pour être sûr. Est-ce que je pourrais poser une petite question? Vas-y, Ariel, je t'en prie. Je sais que les musiciens font de l'autoproduction. Est-ce que ça n'arrive pas pour les gens s'ils veulent diffuser leur film, essayer de faire de l'autoproduction? Est-ce que ça existe? Alors, est-ce que vous faites beaucoup, est-ce qu'autour de cette table, il y en a qui ont envie de se lancer dans l'autoproduction, sachant qu'évidemment, le problème, c'est que par exemple, les musiciens, enfin, entre guillemets, peuvent faire un film en, de manière assez courte. Est-ce qu'en animation, c'est vrai que c'est difficile de faire un film sur peu de jours, mais la question est évidemment possible, ouais. Je pense que c'est possible. Après, voilà, c'est des projets qui ont peut-être moins d'ampleur, mais parce que le 35 mm, par exemple, ça coûte cher. Mais il y a moyen, ouais. On peut récupérer des bobines de 35 mm et gratter dessus, et ça coûte moins cher. Et il y a des appareils photo aujourd'hui, on peut faire du numérique. Puis, non, mais voilà, le numérique coûte moins cher aussi, mais ouais. Alice? Et ouais, là, par exemple, dans le cadre du défi jeune, bon, c'est un court-métrage en prise de vue réelle, mais ça serait valable pour de l'animation. Une des contraintes du défi jeune, c'est de pas avoir de producteur, même si là la limite est peut-être en train d'évoluer. Et donc, par exemple, oui, dans ce cadre-là, il faut. Bon, après, c'est ce qui est compliqué, c'est que justement, il faut chercher des fonds par soi-même et rejouer. Enfin, on apprend ce que c'est qu'un producteur, donc. Voilà, enfin c'est possible effectivement selon l'envergure du projet, c'est plus ou moins faisable. Et je pense que c'est un truc qui se fait dans beaucoup d'autres pays. Nous en France, on a la chance d'avoir pas mal de sous pour faire des films, et il y a plein de pays où c'est pas le cas, et du coup il y a plein de gens qui se débrouillent par eux-mêmes. Et ils le font, et ça marche, et les films sont bien. Donc, ouais, voilà, et des gens, en effet, pour répondre aussi moyen, quoi. Question, des gens, en effet, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est des gens comme Plimpton, travaillent beaucoup presque en fonds propres. Ouais. Finalement, il a quasiment pas de producteurs, donc en effet, des gens qui n'ont pas le CNC, à savoir quasiment toute la planète, enfin toute la planète, sauf en France, où il y a le CNC, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup forcément d'aide, et qui... D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur les sites internet. Il faut soutenir absolument, puisque Média a voulu, l'Europe a voulu baisser aussi les fonds pour la culture. Donc ça, vraiment, faut se battre par rapport aussi à ça, en effet. Et juste un petit mot, Florentine, par rapport à l'autoproduction, parce que toi, tu as fait ton film, l'un de tes films que tu fais, là, est sur DS, sur console vidéo. Oui, effectivement, je vais je pensais l'autoproduire parce que c'est un pocket film. Enfin, pocket film, après, c'est à voir. Voir si je vais le laisser sur petit écran ou pas. Mais, par exemple, j'ai tenté le concours Dailymotion qui était plutôt pour les films autoproduits puisque c'était des films qui étaient appelés à être sur Dailymotion après. Tout de suite, en tout cas. Donc, on oublie les préachats télé, etc. pour ce genre de choses. Donc, il y a des concours comme ça de temps en temps où on peut demander un peu d'argent. Bon, a priori, j'ai rien eu. Mais ouais, de temps en temps sur internet, il y a des concours, je pense que YouTube fait aussi souvent des concours. Ouais. Et après oui, il y a tout ce qui est site où on peut avoir de l'argent des internautes et sites participatifs qui peut être une des pistes. Mais sinon oui, après c'est sur les fonds propres quoi, c'est juste pour le coup ce film je le fais sur ma Nintendo DS, donc je le fais dans les transports, donc il me mettra peut-être 3 ans dans les transports à être fait. C'est sur mon temps, quoi. Cool. Sur mes fonds. Un film érotique dans les transports. Enfin, voilà, fait dans les transports. C'est un pocket film d'animation érotique. Voilà. Et L'intermittence permet ça aussi, hein, complètement. Et après, est-ce qu'il n'y a pas... La question d'Ariel était forte par rapport à ça. Mais oui, mais heureusement d'ailleurs que... C'est génial. Une autre chance du système en France. Ouais. Pouvoir se battre pour avoir aujourd'hui sûrement des écoles qui... Enfin, voilà, des un nombre, on disait à Croc, il y a énormément de films finalement français, parce qu'il y a une production au court-métrage qui est très importante par rapport au Japon, où il n'y a pas ce genre de choses, par exemple. En effet, c'est une chance. Et l'autoproduction, la seule chose, c'est que les gens sont moins habitués, je pense, à l'autoproduction. Ça, c'est des films qui seraient forcément moins... comment dire moins animé, mais en tout cas voilà, moins entre guillemets professionnel, dans le sens où ça sera pas tout pas professionnel, mais en tout cas ça sera pas comme les films qu'on peut voir d'habitude. Oui, voilà, et il y aura une anime qui est plus lâchée. C'est dur de se payer un mixage un 5.1 autoproduit, ça, mais même ça, jusqu'à 5.1, est-ce que toi qui fais aussi de la musique, est-ce que c'est pas plus facile de faire demain entre guillemets plus facile, c'est le talent derrière en tout cas est toujours la même chose, mais est-ce que tu peux faire un morceau demain ou un film? Oui, non, on peut faire et justement aujourd'hui on a la technique pour faire des films ou de la musique ou tout ça chez soi à moindre coût. Mais une salle de cinéma, on entend la différence entre un film qui a été mixé en audit et un film qui a été mixé chez soi. Voilà, c'est tout. Et après, tout dépend du film. Je pense qu'il y a des films pour lesquels c'est pas grave que le son soit pourrave. Il peut être très bien parce qu'il marche avec l'histoire, avec tout ça. Et, donc pourquoi pas, non, au contraire. Ouais. Et pour rester dans l'esprit de la radio, est-ce qu'une coopérative avec des gens qui feraient du mixage, qui travailleraient un petit peu dans la distribution, ce serait une idée pour faire évoluer un peu le cinéma d'animation et aussi la musique? Si on regroupait plusieurs corps de métier, est-ce qu'une coopérative est possible idée, en animation? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Il y a des groupes ou des collectifs qui se font. Ouais, il y a des collectifs qui se font, ouais. Et qui font donc voilà où l'un fait de la musique, l'autre fait du mixage, fait etc. Ouais, et après très vite ça finit en boîte de prod. Disons que ouais, quand tu commences à faire des films etc. ensemble, et après je pense que t'as le désir d'avoir de l'argent. Enfin voilà, en faisant des films ensemble et des projets ensemble, tu te dis bon ben on a un bon projet, ben on va tenter le CNC. Au final, tu finis toujours pas de dire ben je vais tenter la production. L'idée d'avoir toujours un peu plus d'argent, pas pour soi, mais pour que le film, enfin voilà, pour faire avancer le film dans des Oui, puis pour pouvoir payer des gens, pour qu'ils bossent dessus, et tout, c'est bien, quoi. Oui, c'est l'un des grands problèmes en animation, c'est qu'il y a de plus en plus de stagiaires, de plus en plus. On en a parlé, c'était l'émission il y a trois semaines. Il faut que ce soit des amoureux du cinéma qui se réunissent aussi. Qui? Il faut que ce soit aussi des amoureux du cinéma. Oui, puis des amoureux du cinéma, et puis vraiment, on a un problème. Autant le cinéma d'animation que le cinéma réel. Parce que des fois, on peut mélanger les deux, il y a failli être formidable. Bah, la preuve, deux de nos invités l'ont fait, donc il n'y a pas de problème. Alice, il n'y a pas. Dans Quand un fil, il y a quand même plein de. Je ne sais pas si je me rappelle. Oui, c'est de la vidéo floue, mais c'est de la vidéo quand même. Donc il y a un mélange, donc oui, il y a la possibilité. Et Florentine, d'ailleurs, le fait aussi. Donc voilà, donc autour de cette table, on a quatre personnes qui ne s'arrêtent pas forcément à l'animation. Bon, merci beaucoup à vous quatre, ou trois surtout. Et à Florentine d'avoir organisé et avoir bien évidemment Florentine d'avoir organisé l'émission de manière exceptionnelle comme d'habitude, comme elle sait si bien le faire. Non, c'est les vacances, après elle part en vacances, la semaine prochaine elle sera peut-être pas là. Donc la semaine prochaine peut-être que je serai tout seul si je fais l'émission, peut-être que je ferai une émission spéciale métal et animation par exemple si j'ai aucun invité, ou alors je lance un appel si Didier Brunner veut bien venir à donc producteur et tout Kirikou et producteur, et on avait lancé ça au FICUM justement parce que les festivals ça sert à ça aussi, faire des rencontres comme hier à Croc-Anime avec Alice. Donc voilà, donc si Didier veut bien venir si vous le connaissez, vous n'hésitez pas à lui envoyer un mail pour la semaine prochaine, 5h, 19h. Ernest et Célestine. Voilà, c'est ça. En plus, on reste puisque Benjamin Renner, qui est le réalisateur, est un ancien de La Poudrière, la queue de la souris dont on a parlé. Et j'espère qu'il viendra évidemment autour de cette table pour nous en parler, puisqu'en effet, le projet est très, très beau, très, très beau. Et en plus, c'est encore une belle réalisation entre la France et la Belgique, puisqu'il y a au Patard et au Billet, donc à Panico Village, qui sont là aussi, qui aident un peu le jeune réalisateur à monter ce gros projet, qui est un très très beau projet. Allez, on arrête. On va finir avec le dernier morceau, qui est le morceau 10, et qui est un morceau beaucoup plus tranquille. Quoique. On a commencé avec un monsieur qui s'appelle Hikaru Hayashi, donc qui est ce compositeur qui a travaillé beaucoup avec Nagisa Oshima, Kaneto Shindo, dont je vous parlais au tout début. Et j'ai décidé on reste dans la thématique Kaneto Shindo. On a entendu donc au tout début la musique de L'île nue. On va finir avec la musique de Nibaba, à voir absolument, avec une histoire de femmes qui mangent des soldats, enfin de fantômes, etc. C'est un très très très beau film de Kaneto Shindo qui est édité en DVD, donc profitez-en. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine normalement avec autre chose pour nous, et puis dans à la rentrée, je sais pas, faut voir. Voilà, peut-être fin août avec Florentine. Mais encore merci beaucoup à tous, merci. Et bonne continuation merci. Sur bien sûr à bientôt et merci beaucoup Ariel.